mari, comme nous en étions convenus tous les deux, rencontrant le capitaine du navire, prit la liberté de lui dire qu'il craignait d'être obligé de le désappointer parce qu'il lui était arrivé quelque chose qui le contraignait à changer ses dispositions et que sa famille ne pourrait être prête à partir assez tôt pour lui. « Je sais la circonstance, monsieur, dit le capitaine. J'ai appris que votre dame avait une fille de plus qu'elle ne s'y attendait. Je vous en félicite. » « Qu'entendez-vous par là ? » dit mon époux. « Mais rien du tout, que ce que j'ai entendu dire aux femmes en prenant le thé, » dit le capitaine. « Je ne sais rien, sinon que vous ne faites pas la traversée, ce que je regrette. Mais vous connaissez vos affaires, et cela ne me regarde pas. » « Bien, reprit mon mari, mais il faut que je vous donne quelques compensations pour le marché rompu. » Et il tira son argent. « Non, non, » dit le capitaine, et ils se mirent à faire assaut de politesse, mais à la fin mon époux lui donna 3 ou 4 guinées et les lui fit garder. Ce premier sujet de conversation étant ainsi épuisé, ils n'en reparlèrent plus. Mais cela n'alla pas aussi aisément avec moi. Les nuages s'épaississaient, j'avais maintenant des sujets d'alarme de tous côtés. Mon mari me raconta ce que le capitaine avait dit. Très heureusement, il se figura que le capitaine avait rapporté une histoire par moitié et que, l'ayant entendue d'une manière, il l'avait répétée d'une autre, de sorte que, s'il n'avait pu comprendre le capitaine, c'est que le capitaine ne se comprenait pas lui-même. Aussi se contentait-il de me reproduire mot pour mot ce que le capitaine avait dit. Comment j'empêchais mon mari de découvrir mon trouble, vous allez l'apprendre tout à l'heure. Qu'il me suffise de dire pour le moment que, si mon mari ne comprenait pas le capitaine, et si le capitaine ne se comprenait pas lui-même, je les comprenais parfaitement tous les deux. Et, à dire la vérité, c'était le plus rude choc que j'eusse encore eu à supporter. Mais sous le coup de la nécessité, j'inventai un mouvement soudain pour éviter de montrer ma surprise. Nous étions, mon épouse et moi, assises à une petite table près du feu. J'étendis la main comme pour prendre une cuillère qui était de l'autre côté, et je renversai une des chandelles de dessus la table. Alors, la ramassant, je me redressai, puis me penchai de nouveau pour regarder le devant de ma robe, ce que je pris dans ma main en m'écriant « Oh, ma robe est gâtée, la chandelle l'a toute graissée !» Ceci me fournit auprès de mon époux une excuse pour rompre provisoirement l'entretien et pour appeler Amy. Amy ne venant pas aussitôt, « Mon ami, lui dis-je, il faut que je cours là-haut et que je laisse cette robe pour qu'Amy la nettoie un peu. » Mon mari se leva et entra dans un petit cabinet où il mettait ses papiers et ses livres. Il prit un volume et s'assit pour lire. Heureuse étais-je de m'en être sortie. Je courus chez Amy, qui se trouva être seule. « Oh, Amy, m'écriai-je, nous sommes absolument perdus !» Et là-dessus, j'éclatai en pleurs et ne pus parler pendant un grand moment. Je ne pus m'empêcher de dire que quelques réflexions excellentes s'offrirent d'elles-mêmes en cette occasion. Celles-ci se présentaient aussitôt. Quel glorieux témoignage n'est-ce pas de la justice de la Providence et de l'intérêt que prend la Providence dans la direction de toutes les affaires des hommes, des moindres comme des plus grands, que les crimes les plus secrets soient, par des accidents imprévus, amenés au jour et découverts. En voici une autre. Combien il est juste que le péché et la honte se suivent et marchent si constamment sur les palins de l'autre, tellement qu'ils ne sont pas seulement comme des compagnons, mais comme la cause et sa conséquence, nécessairement liés ensemble. De sorte que lorsque le crime précède, le scandale est en train de suivre, et qu'il n'est pas au pouvoir de la nature humaine de cacher le premier, ni d'éviter le second. « Que faire, Amy ? » m'écriai-je dès que je pus parler. « Et que vais-je devenir ?» Et je me repris à pleurer si violemment que je ne pus en dire davantage. Amy avait presque perdu la raison d'effroi, mais elle ne savait rien du tout de ce qu'il y avait. Elle demandait à le savoir et m'engageait à me remettre et à ne pas crier ainsi. « Eh quoi, madame, si mon maître montait en ce moment, disait-elle, il verrait dans quel désordre vous êtes, il saurait que vous avez pleuré et il voudrait en connaître la cause. » À ces mots, je retrouvai la parole. « Oh, il la connaît déjà, Amy, il connaît tout. Tout est découvert, et nous sommes perdus. » Cette fois, Amy fut vraiment comme frappée de la foudre. Cependant, elle dit, « Oui, certes, si c'est vrai, nous sommes véritablement perdus. Mais cela ne peut pas être, c'est impossible, j'en suis sûre. » Non, non, repris-je, c'est si loin d'être impossible que je vous dis que cela est. » Et alors, un peu revenu à moi-même, je lui dis la conversation que mon mari et le capitaine avaient eue ensemble et ce que le capitaine lui avait dit. Cela remua tellement Taimi qu'elle cria, ragea, jura et maudit comme une folle furieuse. Alors elle me reprocha de n'avoir pas voulu la laisser tuer la fille lorsqu'elle voulait le faire, disant que c'était moi qui avais tout fait et autre chose semblable. Et cependant je n'étais pas, même maintenant, d'avis de tuer la fille. Je ne pouvais même en supporter la pensée. Nous passâmes une demi-heure dans ces extravagances et sans aucun résultat. En effet, nous ne pouvions rien faire, ni rien dire d'utile. Car s'il devait arriver quelque chose d'extraordinaire, il n'y avait point à l'empêcher ni à y remédier. Enfin, après m'être soulagée en pleurant, je me mis à penser à la manière dont j'avais laissé mon époux en bas et à la raison que je lui avais donnée pour monter. Je changeai donc ma robe sur laquelle j'avais prétendu que la chandelle était tombée, j'en mis une autre et je descendis. Après être restée en bas un bon moment, voyant que mon époux ne revenait pas sur l'histoire comme je m'y attendais, je repris cœur et je la réclamai. « Mon ami, lui dis-je, la chute de la chandelle a interrompu votre histoire. Ne voulez-vous pas la continuer ?»« Quelle histoire ? » demanda-t-il. « Mais, dis-je, celle du capitaine ?»« Oh, j'ai fini, je ne sais rien de plus que ceci. C'est que le capitaine a raconté une histoire incohérente qu'il avait entendue de pièces et de morceaux, et qu'il l'a racontée encore plus de pièces et de morceaux qu'il ne l'avait entendue. Et cette histoire était que vous êtes enceinte et que vous ne pouvez pas faire le voyage. » Je vis que mon mari n'entrait pas du tout dans la vérité de la chose. Il prenait cela pour une histoire qui, répétée deux ou trois fois, avait fini par être inintelligible et par se réduire à rien. Tout ce qu'elle signifiait pour lui, c'était ce qu'il savait ou croyait savoir, c'est-à-dire que j'étais enceinte, chose qu'il désirait beaucoup qui fût vraie. Son ignorance fut un baume pour mon âme, et je maudis en moi-même ceux qui le détromperaient jamais. Le voyant désireux de mettre un terme à l'histoire comme ne valant pas la peine qu'on y insistât davantage, je l'arrêtai là, disant que je supposais que le capitaine la tenait de sa femme et que celle-ci aurait bien pu trouver une autre personne pour en faire l'objet de ses remarques. Cela se passa donc ainsi assez bien avec mon mari et je me retrouvai en sûreté, là où je m'étais cru le plus en péril. Mais j'avais encore deux inquiétudes. La première était que le capitaine et mon époux ne se rencontrassent de nouveau et ne reprissent la conversation sur le même sujet. Et la seconde, que la remuante et impertinente fille ne revînt. Et si elle revenait, comment l'empêcher de voir Amy? Question aussi importante que tout le reste, car si elle avait vu Amy, c'eût été aussi fatal pour moi que si elle avait connu tout. Pour le premier cas, je savais que le capitaine ne pouvait rester en ville plus d'une semaine, car son navire étant déjà plein de marchandises, avait descendu la rivière et il ne devait pas tarder à le suivre. Je m'imaginais donc d'entraîner mon mari quelque part en dehors de la ville pour quelques jours, afin qu'il y eût certitude qu'il ne se rencontrerait pas. Ma grande préoccupation était de savoir où nous irions. À la fin, je me décidai pour North Hall. Non, lui dis-je, que je voulusse prendre les eaux, mais je pensais que l'air y était bon et pourrait me faire du bien. Lui, qui faisait tout dans le but de me plaire, accepta aussitôt mon idée, et la voiture fut commandée pour le lendemain matin. Mais comme nous réglions tout cela, il prononça une vilaine parole qui déjouait tous mes plans. Il désirait que je voulusse bien attendre jusqu'à l'après-midi, parce qu'il parlerait au capitaine dans la matinée du lendemain, s'il pouvait, et lui donnerait quelques lettres. Il aurait le temps d'y aller et d'être de retour vers midi. Je dis oui, bien entendu. Mais c'était pour mieux le tromper, et ma voix et mon cœur différaient. J'étais décidée, si je le pouvais, à empêcher qu'il n'approchât le capitaine et qu'il ne le vît, quoi qu'il en arrivât. Le soir, donc, un peu avant d'aller nous coucher, je feignis d'avoir changé d'avis et de ne plus vouloir aller à North Hall. J'avais envie d'aller d'un autre côté. Cependant, je lui dis que je craignais que ses affaires ne lui permissent pas. Il voulut savoir où c'était. Je lui répondis en souriant que je ne voulais pas le lui dire, de peur que cela ne l'obligeât à arrêter ses affaires. Il me répliqua du même ton, mais avec infiniment plus de sincérité, qu'il n'avait pas d'affaires assez importantes pour l'empêcher d'aller avec moi partout où j'avais envie d'aller. « Si, repris-je, vous avez besoin de parler au capitaine avant qu'il s'en aille. »« En effet, c'est vrai, j'en ai besoin, » dit-il, et il se tut un moment, mais il ajouta bientôt. mais j'écrirai un mot à un homme qui fait des affaires pour moi et qui ira le trouver. C'est simplement pour faire signer quelques connaissements, et il pourra s'en acquitter. » Lorsque je vis que j'avais gagné mon point, j'eus l'air d'hésiter un peu. « Mon ami, lui dis-je, ne perdez pas une heure de vos affaires pour moi. Je retarderai d'une semaine ou deux, plutôt que de vous causer un préjudice quelconque. »« Non, non, dit-il, vous ne retarderez pas d'une heure pour moi, car je peux faire mes affaires par procuration avec tout le monde, hors ma femme. » Et il me prit dans ses bras et me baissa. Comme le sang me montait à la face, lorsque je songeais avec quelle sincérité, quelle affection, cet excellent gentleman embrassait le plus maudit échantillon d'hypocrisie que pressèrent jamais les bras d'un honnête homme. Il n'était que tendresse, que bonté, que la sincérité la plus absolue. Moi, je n'étais que grimace et fraude. Ce que je faisais n'était que par manège, conduite calculée, pour cacher un passé de vice et pour l'empêcher de découvrir qu'il avait dans ses bras un diable femelle dont tout le commerce avait été pendant 25 ans aussi noir que l'enfer, un enchevêtrement de crimes pour lequel, s'il avait pu y jeter un regard, il aurait dû m'abhorrer, moi et le seul bruit de mon nom. Mais il n'y avait là rien qui pût me servir d'appui. J'avais pour tout encouragement l'idée que c'était mon intérêt d'être ce que j'étais et de cacher ce que j'avais été, et que la seule satisfaction que je pusse lui faire était de vivre vertueusement à l'avenir, puisque je ne pouvais réparer ce qui avait eu lieu dans le passé. Et c'est à ce quoi je me résolus, bien que, si une grande tentation s'était offerte comme elle le fit plus tard, j'eusse des raisons de douter de ma fermeté. Mais nous parlerons de ceci un peu plus loin. Lorsque mon mari eut ainsi eu la bonté de sacrifier ses projets aux miens, nous décidâmes que nous partirions le matin de bonne heure. Je lui dis que mon dessein, s'il l'approuvait, était d'aller à Tunbridge. Et, lui apportant à cela une passivité entière, y consentit avec le plus grand empressement. Il me dit cependant que, si je n'avais pas nommé Tunbridge, il aurait nommé Newmarket, parce qu'il s'y tenait une grande cour et qu'il y avait quantité de belles choses à voir. Je lui offris alors une nouvelle pièce d'hypocrisie. Je feignis de vouloir aller là, comme étant l'endroit de son choix, tandis que je n'y serais véritablement pas allé pour 1000 livres sterling. Car la cour y étant à ce moment, je n'aurais pas osé courir le hasard d'être reconnu en un pays où il y avait tant d'yeux qui m'avaient vu autrefois. Si bien qu'au bout d'un instant, je dis à mon mari que je pensais que Newmarket était si plein de gens en ce moment que nous ne trouverions pas à nous loger. Voir la cour et la foule n'était nullement un amusement pour moi, à moins que ce n'en fût un pour lui. S'il le jugeait convenable, nous remettrions plutôt cela à une autre fois. Si, lorsque nous irions en Hollande, nous voulions passer par Harwich, nous pouvions faire le tour par Newmarket et Bury, descendre par là jusqu'à Ipswich, et de là aller à la côte. Il fut aisément détourné de son idée, comme il l'était de tout ce que je n'approuvais pas. Et ainsi, avec une facilité inimaginable, il commanda de se tenir prêt de bonne heure le lendemain matin pour me conduire à Tunbridge. En ceci, mon dessein était double. C'était d'abord d'empêcher mon époux de revoir le capitaine. C'était ensuite de me retirer du chemin moi-même, au cas où cette impertinente fille, maintenant mon fléau, ferait mine de revenir, comme le croyait mon amie la quakeresse, et comme il arriva en effet 2 ou 3 jours plus tard. Ayant ainsi assuré mon départ pour le jour suivant, je n'eus rien à faire qu'à donner à mon fidèle agent, la quakeresse, quelques instructions sur ce qu'elle aurait à dire à cette persécutrice. Elle montra bien plus tard qu'elle en était une, et sur la manière d'en venir à bout si elle faisait des visites plus fréquentes qu'il n'est d'ordinaire. J'avais grande envie de laisser aussi Amy, pour aider en cas de besoin, car elle entendait parfaitement bien ce qu'il y avait à conseiller dans une difficulté quelconque, et Amy me pressait de le faire. Mais je ne sais quel secret pressentiment l'emporta sur mon dessein. Je ne pus m'y décider. De crainte que la méchante coquine ne se débarrassât d'elle, chose dont la pensée seule me faisait horreur, et que, cependant, Amy trouva moyen de faire arriver, comme je pourrais le raconter plus au long en son temps. Il est vrai que j'avais autant besoin d'être délivré d'elle que jamais fiévreux d'être délivré de son accès du troisième jour. Et si elle était descendue au tombeau par un moyen légitime quelconque, si je puis dire, j'entends si elle était morte de quelque maladie ordinaire, je n'aurais versé sur elle que fort peu de larmes. Mais je n'en étais pas arrivé à un degré de vice endurci tel que je puisse commettre un meurtre, et surtout un meurtre comme celui de mon propre enfant, ni même donner asile dans mon esprit à une pensée si barbare. Mais, comme je le disais, Amy fit tout plus tard à mon insu, et je la chargeai pour cela de mes cordiales malédictions, tout en ne pouvant guère rien faire de plus, car attaquer Amy, c'eût été m'assassiner moi-même. Mais cette tragédie demanderait plus de place que je n'en ai ici de disponible. Je reviens à mon voyage. Ma chère amie, la quakeresse, était tendre et cependant honnête. Elle aurait fait n'importe quoi de juste et de droit pour me servir, mais rien de mal ou de déshonorant. Afin de pouvoir dire hardiment à la créature, si elle venait, qu'elle ne savait pas où j'étais allée, elle me pria de ne pas le lui dire. Et pour rendre son ignorance plus complètement inoffensive pour elle comme pour moi, je lui permis de déclarer qu'elle nous avait entendu parler d'aller à Newmarket, etc. Elle approuva cela, et je laissai tout le reste à sa discrétion pour agir comme elle le jugerait convenable. Je la chargeai seulement, si la fille entamait l'histoire de Pall Mall, de ne pas encourager ses discours sur ce sujet, mais de lui faire entendre que nous trouvions tous qu'elle en parlait avec un peu trop de détails, et que la dame, c'est-à-dire moi, avait pris un peu trop en mauvaise part d'être ainsi comparée à une femme galante ou à une comédienne ou quelque chose de semblable, de façon à l'amener, si possible, à n'en pas dire davantage. Cependant, tout en ne disant pas à mon amie, la quakeresse, le moyen de m'écrire ni où je serai, je laissai entre les mains de sa femme de chambre un papier cacheté pour lui remettre, où je lui donnai l'adresse à laquelle elle pourrait écrire à Amy, et ainsi en réalité à moi-même. Il n'y avait que quelques jours que j'étais partie, lorsque l'impatiente fille vint à mon appartement, sous prétexte de voir comment j'allais, et pour savoir si j'avais l'intention de faire le voyage et le reste. Mon fidèle agent était à la maison et la reçut froidement à la porte. Elle lui dit que la dame, pour laquelle elle venait sans doute, avait quitté sa maison. Cela arrêta brusquement tout ce qu'elle avait à dire pour un bon moment. Mais comme elle restait tergiversante à la porte et cherchant sur quoi entamer une conversation, elle s'aperçut que mon amie la quakeresse avait l'air un peu gênée, comme si elle eût voulu rentrer et fermer la porte. Cela la blessa au vif. De plus, la fine quakeresse ne l'avait pas même invitée à entrer, car, la voyant seule, elle s'attendait à ce qu'elle serait très impertinente, et elle en concluait que peu m'importerait la froideur avec laquelle elle l'aurait reçue. Mais l'autre n'était pas fille à se laisser congédier ainsi. Elle dit que si l'on ne pouvait parler à Lady, elle désirait lui dire deux ou trois mots à elle, c'est-à-dire à mon amie la quakeresse. Là-dessus, la quakeresse, poliment mais froidement, la pria d'entrer ce qu'elle désirait. Notez qu'elle ne la conduisait pas dans le plus beau salon, comme naguère, mais dans une petite chambre écartée où les domestiques se tenaient à l'habitude. Dès le début de son discours, elle n'hésita pas à faire comprendre qu'elle croyait que j'étais dans la maison, mais que je ne voulais pas me laisser voir. Et elle insista d'une façon très pressante pour pouvoir me parler un moment. Elle y ajouta beaucoup de prières et à la fin des larmes. « Je suis fâchée, dit ma bonne créature la quakeresse, que tu aies si mauvaise opinion de moi que de croire que je te dirais ce qui n'est pas la vérité, et que je prétendrais que Lady est partie de ma maison lorsqu'elle ne l'est pas. Je t'assure que je n'use pas de semblable méthode, et Lady ne désire de moi aucun service de ce genre que je sache. » Si elle avait été dans la maison, je te l'aurais dit. » Elle n'eut guère rien à répondre à cela, mais elle dit que c'était une affaire de la dernière importance qu'elle désirait me parler, et elle se remit à pleurer abondamment. « Tu sembles être douloureusement affectée, dit la quakeresse. Je voudrais pouvoir te donner du soulagement, mais si rien ne doit te réconforter que de voir Lady, c'est une chose qui n'est pas en mon pouvoir. » « J'espère que si, dit-elle encore, à coup sûr c'est de grandes conséquences pour moi, et tellement que sans cela je suis perdue. Cela me trouble grandement de t'entendre parler ainsi, dit la Quakeresse. Mais pourquoi ne l'as-tu pas prise à part la première fois que tu es venue ici? Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler seule, et je ne pouvais pas le faire en société. Si j'avais pu seulement lui dire deux mots seuls, je me serais jetée à ses pieds, et je lui aurais demandé sa bénédiction. Tu me surprends, je ne te comprends pas, dit la Quakeresse. Oh, s'écria-t-elle, restez mon amie, si vous avez quelque charité, ou si vous avez quelque compassion pour les misérables, car c'en est fait de moi absolument. Tu m'épouvantes avec tes paroles si exaltées, dit la Quakeresse, et véritablement je ne puis te comprendre. Oh, reprit-elle, elle est ma mère, et elle ne me reconnaît pas. Ta mère? Répéta la Quakeresse qui commençait à être fortement émue. Tu me plonges dans l'étonnement. Que veux-tu dire? Je ne veux rien dire que ce que je dis, je le dis encore. Elle est ma mère, et elle ne veut pas me reconnaître. Et elle se tut en versant un flot de larmes. Ne pas te reconnaître? Dit la Quakeresse, et la tendre et bonne créature se mit à pleurer aussi. Mais, reprit-elle, elle ne te connaît pas, elle ne t'avait jamais vue. Non, dit la fille, je crois qu'elle ne me connaît pas, mais je la connais, et je sais qu'elle est ma mère. C'est impossible, tu racontes des choses incompréhensibles. Veux-tu t'expliquer un peu à moi? Oui, oui, répondit-elle, je peux m'expliquer suffisamment. Je suis sûre qu'elle est ma mère. Je me suis brisé le cœur à la chercher. Et maintenant, la perdre encore, lorsque j'étais si sûre de l'avoir trouvée, ce serait me briser le cœur bien plus réellement. « Bien, mais si c'est ta mère, reprit la Quakeresse, comment se peut-il qu'elle ne te connaisse pas ?»« Hélas, je suis perdue pour elle depuis mon enfance, elle ne m'a jamais vue. »« Et toi, ne l'as-tu jamais vue ?» redemanda la Quakeresse. « Si, répondit-elle, je l'ai vue, bien souvent je l'ai vue, car lorsqu'elle était Lady Roxana, du temps que j'étais domestique, j'étais fille de cuisine chez elle. Mais je ne la connaissais pas alors, ni elle moi. Mais tout s'est dévoilé depuis. » N'a-t-elle pas une femme de chambre nommée Amy? Il faut noter ici que l'honnête Quakeresse fut mise à quia et grandement surprise par cette question. Vraiment, répondit-elle, Lady a plusieurs servantes et je ne connais pas tous leurs noms. Mais sa femme de confiance, sa favorite, insista la fille, son nom n'est-il pas Amy? Et en vérité, s'écria la Quakeresse avec beaucoup d'esprit et d'à-propos, je n'aime pas les interrogatoires. Mais pour que tu n'ailles pas te figurer des sottises à cause de ma répugnance à parler, je te répondrai une fois pour toutes que quel est le nom de sa femme de confiance, je l'ignore, mais qu'on l'appelle Cherry. Remarquons que mon mari lui avait donné ce nom par plaisanterie le jour de nos noces et que depuis nous l'appelions toujours ainsi, de sorte qu'à ce moment elle disait littéralement vrai. La fille répliqua avec beaucoup de modestie que si sa question l'avait offensée, elle en était bien fâchée. Qu'elle n'avait point le dessein d'être grossière envers elle, et ne prétendait point lui faire subir d'interrogatoire. Mais elle était dans un tel désespoir devant ce malheur qu'elle ne savait ce qu'elle faisait ni ce qu'elle disait. Elle serait désolée de la désobliger, mais elle la priait encore, puisqu'elle était chrétienne et femme, et qu'elle avait été mère, et qu'elle avait des enfants, de vouloir la prendre en pitié, et, s'il était possible, l'aider à parvenir jusqu'à moi et me dire quelques mots. La tendre Quakeresse me rapporta que la fille avait dit cela avec une éloquence si touchante qu'elle lui avait arraché des larmes. Mais elle fut obligée de lui déclarer qu'elle ne savait ni où j'étais allée, ni comment m'écrire. Cependant, si jamais elle me revoyait, elle ne manquerait pas de me rendre compte de tout ce que la jeune fille avait dit et de ce qu'elle jugerait convenable de dire encore, ni de recevoir la réponse que j'y ferais si je jugeais bon d'en faire une. Ensuite, la Quakeresse prit la liberté de lui demander quelques détails sur cette triste histoire, comme elle l'appelait. Alors, la fille, prenant au premier malheur de ma vie, et en même temps de la sienne, déroula tout de son éducation misérable, de son service chez Lady Roxana, et des secours qu'elle avait reçus de Mrs. Amy, exposant les raisons qu'elle avait de croire que, comme Amy se donnait elle-même pour celle qui avait demeuré avec sa mère, et comme surtout elle avait été aussi la femme de chambre de Lady Roxana et était venue de France avec celle-ci, ces circonstances et plusieurs autres qu'elle avait remarquées dans sa conversation la convainquaient également que Lady Roxana était sa mère et que Lady, de la maison de la Quakeresse, était précisément la même Roxana dont elle avait été la servante. Ma bonne Quakeresse, bien que terriblement révoltée de l'histoire et ne sachant trop que dire, était cependant trop mon amie pour paraître convaincue d'une chose dont elle ne savait pas si elle était vraie et qu'elle voyait clairement, si elle était vraie, que je désirais tenir cachée. En conséquence, elle parla de manière à la dissuader par le raisonnement. Elle appuya sur la faible preuve qu'elle avait du fait en lui-même, sur l'insolence qu'il y aurait à revendiquer une parenté si proche avec une personne tellement au-dessous d'elle, dont elle ne savait pas si elle était réellement concernée dans la chose, ou du moins sur le compte de laquelle elle n'avait pas de preuves suffisantes. La lady qui avait demeuré chez elle était une personne au-dessus de toute feinte, et elle ne pouvait croire qu'il la désavouât pour sa fille si elle était véritablement sa mère. Elle avait d'ailleurs les moyens de lui assurer un sort convenable si elle avait le désir de ne pas se faire connaître. Enfin, elle avait entendu elle-même tout ce que cette dame avait dit de lady Roxana, et que, bien loin d'avouer qu'elle était la même personne, elle avait qualifié cette lady de contrebande, de fourbe et de femme publique. Et il était bien certain qu'on ne l'amènerait jamais à avouer un nom et une conduite qu'elle avait traitées avec un si juste mépris. Elle lui dit encore que sa locataire, c'est-à-dire moi, n'était pas une lady pour rire, mais la vraie femme d'un chevalier baronnet. Elle savait personnellement qu'il en était ainsi et que la personne décrite par la jeune fille était bien au-dessous d'elle. Elle ajouta ensuite qu'elle avait une autre raison pour laquelle il n'était guère possible que la chose fût vraie. « Et c'est, continua-t-elle, ton âge qui s'y oppose. En effet, tu reconnais que tu as 24 ans et que ta mère avait 2 autres enfants plus vieux que toi. Ainsi, à ton propre compte, ta mère devait être extrêmement jeune ou cette dame ne saurait être ta mère. » Car tu vois, et chacun peut voir qu'elle est encore une jeune femme, et l'on ne peut lui donner plus de 40 ans si elle les a. Elle est même enceinte alors qu'il est, et c'est pourquoi elle est partie pour la campagne. De sorte que je ne saurais ajouter aucun crédit à l'idée que tu as qu'elle est ta mère. Donc si je pouvais te donner un conseil, ce serait d'abandonner cette pensée, comme un conte invraisemblable qui ne sert qu'à te mettre en désordre et à te troubler la tête. Car je m'aperçois que tu es véritablement très troublée. Mais tout cela n'aboutit à rien. Rien ne pouvait la satisfaire que de me voir. Mais la quaqueresse se défendit très bien et insista sur ce qu'elle ne pouvait lui donner aucune information à mon sujet. Enfin, comme l'autre l'importunait toujours, elle affecta d'être un peu choquée de ce qu'on ne voulait pas la croire et elle ajouta qu'à la vérité, si elle avait su où j'étais allée, elle n'en aurait fait part à personne, à moins que je ne lui eusse donné des ordres pour le faire. Voyant qu'elle ne m'a pas fait connaître où elle est allée, dit-elle en finissant, se met une intimation qu'elle ne désire pas qu'on le sache. Là-dessus, elle se leva, ce qui était la façon la plus claire qu'elle put employer de la prier de se lever aussi et de s'en aller, à moins de lui montrer la porte tout franc. Cependant, la fille ne se laissa pas démonter. Elle reprit qu'elle ne pouvait, il était vrai, s'attendre à ce que la quaqueresse fût affectée par l'histoire qu'elle lui avait racontée, quelque émouvante qu'elle fût, ni qu'elle ressentît pour elle aucune pitié. Son malheur était, lorsqu'elle s'était trouvée dans cette maison naguère et dans la même pièce que moi, qu'elle n'eût pas demandé à me parler en particulier ou ne se fût pas jetée sur le plancher à mes pieds en réclamant ce que l'affection d'une mère aurait fait pour elle. Mais puisqu'elle avait laissé échapper cette occasion, elle en attendrait une autre. Elle voyait, d'après la conversation de la quaqueresse, qu'elle n'avait pas complètement quitté son appartement, mais qu'elle était allée à la campagne pour le bon air sans doute. Quant à elle, elle était résolue à faire le chevalier errant à sa poursuite et à visiter tous les lieux du royaume où l'on va pour sa santé et jusqu'à la Hollande. En tout cas, elle me trouverait, car elle était certaine qu'elle pourrait si bien me convaincre qu'elle était ma propre enfant que je ne le nierais pas. Et elle était sûre que j'étais si tendre et si pitoyable que je ne la laisserais pas périr après que je serais convaincue qu'elle était ma propre chair et mon propre sang. Et en disant qu'elle visiterait tous les lieux de l'Angleterre renommés pour leur air salubre, elle les passa tous en revue par leur nom, et commença par Tunbridge, l'endroit même où j'étais allée, puis elle énuméra Epsom, Northall, Barnet, Newmarket, Bury, et enfin Bath, et sur ce elle prit congé. Mon fidèle agent, la quaqueresse, ne manqua pas de m'écrire immédiatement, mais comme c'était une fine aussi bien qu'une honnête femme, il se présenta tout de suite à son esprit que c'était là une histoire qui, vraie ou fausse, n'était pas très propre à être portée à la connaissance de mon mari. Comme elle ignorait ce que je pouvais avoir été et les noms dont je pouvais avoir été appelée en d'autres temps, et ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait point dans tout cela, Elle pensa que, si c'était un secret, il fallait me laisser le soin de le révéler moi-même. Et si ce n'en était pas un, qu'il pouvait aussi bien être publié plus tard que maintenant. Enfin, qu'elle devait laisser la chose là où elle l'avait trouvée et ne la communiquer à personne sans mon consentement. Ces sages procédés étaient d'une inexprimable bonté, en même temps que très opportun, car il était assez probable que sa lettre m'aurait été remise publiquement, et bien que mon mari n'eût pas voulu l'ouvrir, il aurait semblé un peu étrange que je lui en scellasse le contenu lorsque j'avais si bien prétendu lui communiquer toutes mes affaires. Par suite de cette prudente précaution, ma bonne amie m'écrivit seulement en quelques mots que l'impertinente jeune femme était venue chez elle, comme elle s'y attendait, et qu'elle pensait que ce serait une très bonne chose, si je pouvais me passer de Cherry, que je la lui envoyasse, c'était d'Amy qu'elle parlait, parce qu'elle voyait qu'on pourrait avoir besoin d'elle. Il se trouva que cette lettre était adressée à Amy elle-même et qu'elle ne fut pas envoyée par la voie que j'avais d'abord ordonnée. Mais elle arriva intacte en mes mains. J'en fus sans doute un peu alarmée, cependant je ne fus informée que plus tard du danger dans lequel j'étais d'une visite immédiate de cette agaçante créature. Et je courus vraiment un risque extraordinaire en ce que je n'envoyais Amy que 13 ou 14 jours après, me croyant tout aussi bien cachée à Tunbridge que si j'avais été à Vienne. Mais l'intérêt de mon fidèle espion, car ma quakeresse était cela pour moi désormais par le fait même de sa perspicacité, son intérêt pour moi, dis-je, fut ma sûreté dans ce pas critique où, comme on dit, je ne me gardais pas moi-même. En effet, voyant qu'Amy n'arrivait pas, et ne sachant pas avec quelle promptitude cette sauvage créature mettrait à exécution son projet de vagabondage, elle envoya un commissionnaire chez la femme du capitaine, où elle logeait, pour lui dire qu'elle désirait lui parler. Elle accourut sur les talons du commissionnaire, avide d'avoir des nouvelles. Elle espérait, dit-elle, que la dame, c'est-à-dire moi, était revenue à la ville. La quakeresse, avec toutes les précautions dont elle était capable de, pour ne pas dire un vrai mensonge, lui fit croire qu'elle s'attendait à avoir de mes nouvelles dans très peu de temps, et à plusieurs reprises. Tout en parlant de gens qui vont à la campagne pour le bon air, elle cita le pays aux environs de Bury. Combien il était agréable, et comme l'air y était sain et pur. Que les dames aux environs de Newmarket y étaient excessivement belles. Et quelle grande affluence de société il y avait maintenant que la cour y était. Si bien qu'à la fin, la fille se mit à tirer la conclusion que c'était là qu'était allée ma seigneurie, car, dit-elle, elle savait que j'aimais avoir une nombreuse société. « Du tout, mon ami, tu me comprends mal. Je n'ai pas suggéré que la personne dont tu t'informes est allée là, ni ne crois qu'elle y est allée, je t'assure. » « Bah !» La fille sourit et lui fait voir qu'elle le croyait malgré cela. Aussi, pour enfoncer cette idée davantage, « Véritablement, dit la quakeresse avec un grand sérieux, tu n'agis pas bien, car tu suspectes tout et tu ne crois rien. Je te déclare solennellement que je ne crois pas qu'il soit allé de ce côté. Aussi, si tu prends la peine d'y aller et que tu sois désappointé, ne dis pas que je t'ai trompé. » Elle savait bien que si ses paroles affaiblissaient son soupçon, elle ne l'écarterait pas et qu'elle ne ferait guère que l'amuser. Mais par ce moyen, elle la tenait en suspens jusqu'à l'arrivée d'Amy, et c'était assez. Lorsqu'Amy arriva, elle fut tout à fait consternée d'entendre la relation que la quakeresse lui fit. Elle trouva moyen de m'en informer, seulement elle me faisait savoir, à ma grande satisfaction, que la fille ne commencerait pas par Tunbridge, mais qu'elle irait certainement à Newmarket ou à Bury d'abord. Toutefois, cela me causa une grande inquiétude, car puisqu'elle était décidée à courir tout le pays à ma recherche, je n'étais en sûreté nulle part, non, pas même en Hollande. De sorte que je ne savais comment faire à son endroit. C'est ainsi que quelque chose d'amer gâtait toute la douceur de ma vie, car j'étais continuellement alarmée par cette drôlesse, et il me semblait qu'elle me hantait comme un mauvais esprit. Cependant, il s'en fallait de bien peu qu'Amy ne fût complètement folle à propos d'elle. Elle n'aurait osé, au prix de sa vie, la voir dans mon appartement. Elle alla pendant des jours sans nombre à Spitalfields, où elle avait l'habitude de venir, et à son ancien logement. Mais elle ne put jamais la rencontrer. À la fin, elle prit la résolution désespérée d'aller tout droit à la maison du capitaine, à Redriff, et de lui parler. C'était une folle démarche, c'est vrai. Mais comme Amy déclarait qu'elle était folle elle-même, rien de ce qu'elle pouvait faire ne pouvait être autrement. En effet, Si Amy avait trouvé la fille à Redriff, celle-ci en aurait conclu immédiatement que la Quakeresse l'avait avertie, que par conséquent nous étions toutes de la même bande, et qu'en somme, tout ce qu'elle avait dit était vrai. Mais il arriva que les choses s'arrangèrent mieux qu'on ne s'y attendait. Car comme Amy sortait de voiture pour passer l'eau au quai de la tour, elle rencontra la fille qui débarquait justement, venant de Redriff. Amy fit comme si elle voulait passer près d'elle sans la reconnaître, bien que la rencontre fût si face à face qu'elle ne feignit pas de ne pas la voir. Au contraire, elle la regarda délibérément la première, et détournant la tête avec un air de mépris, elle fit mine de s'éloigner. Mais la fille s'arrêta et lui fit des avances en lui adressant d'abord la parole. Amy lui parla froidement et avec quelque irritation. Après avoir échangé quelques mots, debout dans la rue ou le passage, la fille lui dit qu'elle semblait en colère et de ne pas vouloir lui parler. « Et quoi ? » dit Amy. « Comment pouvez-vous penser que j'ai beaucoup à vous dire, après tout ce que j'ai fait pour vous et que vous vous êtes conduite envers moi de la façon ?» La fille ne parut pas faire attention à ses paroles pour le moment et répondit. « J'allais justement vous voir. »« Me voir ? » s'écria Amy. « Que voulez-vous dire ?»« Eh, mais, reprit-elle avec une sorte de familiarité, j'allais vous voir à votre logis ?» Amy était courroucée contre elle au dernier regret, mais elle pensa que ce n'était pas le moment de le témoigner, parce qu'elle avait en tête à son sujet un dessein plus funeste et plus méchant. Dessein que je ne connus, il est vrai, que lorsqu'il fut exécuté et qu'Amy n'osa jamais me communiquer. Car comme je m'étais énergiquement prononcée contre tout projet qui touchait un cheveu de la tête de ma fille, elle était décidée à prendre ses mesures à son idée sans me consulter davantage. Dans ce but, Amy lui donna de bonnes paroles et cacha son ressentiment autant qu'elle le put. Lorsqu'elle parla d'aller à son logis, Amy sourit et ne dit rien. Elle appela seulement Durhammer pour aller à Greenwich et l'invita, puisqu'elle allait à son logis, à l'accompagner, car elle s'en allait chez elle et était toute seule. Amy avait un tel fond d'assurance que la fille fut confondue et ne sut que dire. Mais plus elle hésitait, plus Amy la pressait de venir. Enfin, lui parlant avec beaucoup de bonté, elle lui dit que, si elle ne venait pas voir son appartement, il fallait qu'elle vînt pour lui tenir compagnie et qu'elle payerait un bateau pour la ramener. En un mot, Amy la persuada d'aller avec elle dans le bateau et l'emmena jusqu'à Greenwich. Il est certain qu'Amy n'avait pas plus affaire à Greenwich que moi et que ce n'était pas là qu'elle allait. Mais nous étions harcelés au dernier degré par l'impertinence de cette créature et moi, particulièrement, j'étais, à cause d'elle, dans une horrible perplexité. Pendant qu'elles étaient dans le bateau, Amy se mit à lui reprocher l'ingratitude avec laquelle elle l'avait traitée si grossièrement, elle qui avait tant fait pour elle, qui avait été si bonne pour elle. Elle lui demanda ce qu'elle en avait retiré ou ce qu'elle espérait en retirer. « Puis vint mon tour, Lady Roxana. » Amy en plaisanta et la gouailla un peu, lui demanda si elle l'avait déjà trouvée. Mais Amy fut surprise et furieuse à la fin lorsque la fille lui dit sans embâche qu'elle la remerciait de ce qu'elle avait fait pour elle, mais qu'elle ne voulait pas lui laisser penser qu'elle fût assez ignorante pour ne pas savoir que ce qu'elle, Amy, avait fait, elle l'avait fait par l'ordre de sa mère, ni à qui elle en était redevable. Elle ne pourrait jamais prendre les instruments pour ceux qui les dirigent, ni payer la dette à l'agent, lorsque toute l'obligation est due à qui l'a employée. Elle savait assez qui Amy était. Et au service de qui? Elle connaissait très bien Lady, elle me donnait du nom que je portais, c'était le véritable nom de mon mari, et par là, elle pourrait savoir si elle avait ou non découvert sa mère à elle. Amy l'aurait voulu au fond de la Tamise, et s'il n'y avait pas eu de batelier dans le bateau, ni personne en vue, elle me jura qu'elle l'aurait jeté dans la rivière. J'étais horriblement troublée lorsqu'elle me raconta cette histoire, et je pensais que tout cela finirait par ma ruine. Mais lorsque Amy me parla de la jeter dans la rivière et de la noyer, j'en fus si irritée que toute ma fureur se tourna sur Amy, et que je me fâchai complètement contre elle. Il y avait près de 30 ans que j'avais Amy, et j'avais en toute occasion trouvé en elle la plus fidèle créature qu'aucune femme eût jamais. Je dis fidèle pour moi, car quelque vicieuse qu'elle fût, elle était sincère vis-à-vis de moi. Et cette rage même qui la transportait était toute à cause de moi et de crainte que quelque malheur ne m'arrivât. Mais quoi qu'il en fût, je ne pus soutenir l'idée qu'elle aurait assassiné la pauvre fille. Cela me mit tellement hors de mes sens que je me levai furieuse et lui ordonnai de s'éloigner de ma vue et de quitter ma maison. Je lui dis que je l'avais gardée trop longtemps et que je ne voulais plus voir sa figure. Je lui avais déjà dit qu'elle était un assassin, une créature sanguinaire, qu'elle ne pouvait ignorer que je ne saurais supporter cette pensée et encore moins l'expression de cette pensée, que c'était la chose la plus impudente qu'on eût jamais vue que de me faire une telle proposition, lorsqu'elle savait que j'étais réellement la mère de cette fille et qu'elle était ma propre enfant, que c'était déjà assez criminel de sa part, mais qu'elle devait penser que je serais 10 fois plus criminelle qu'elle si je pouvais l'admettre, que la fille était dans son droit et que je n'avais rien pour la blâmer, que c'était la perversité de ma vie qui me rendait nécessaire d'éloigner d'elle toute reconnaissance, mais que je ne voulais pas assassiner mon enfant quand même je serais perdue autrement. Et Amy répliqua d'un ton assez rude et bref. « Je ne voulais pas ? Eh bien, elle le voudrait, elle, si elle en avait l'occasion. » Ce fut sur ces mots que je lui ordonnai de sortir de ma vue et de ma maison. Cela alla si loin qu'Amy fit ses paquets, s'éloigna et partit presque pour de bon. Mais cela viendra à sa place. Il faut que je retourne à la relation du voyage qu'elles firent ensemble jusqu'à Greenwich. Elles continuèrent leur querelle pendant tout le trajet par eau. La fille persistait à dire qu'elle savait que j'étais sa mère, et elle ne lui raconta toute l'histoire de ma vie dans le Pall Mall, aussi bien après avoir été mise à la porte qu'avant, et ensuite celle de mon mariage. Et le pire, c'est qu'elle savait non seulement qui mon mari était, mais où il avait demeuré, c'est-à-dire à Rouen, en France. Elle ne savait rien de Paris, ni de l'endroit où nous devions aller demeurer, c'est-à-dire Nimègue. Mais elle lui dit en propres termes que si elle ne pouvait me trouver ici, elle irait en Hollande me chercher. Elles débarquèrent à Greenwich et Amy l'emmena dans le parc avec elle. Elles y marchèrent plus de 2 heures dans les allées les plus éloignées et les plus isolées. Ce qu'Amy faisait, parce que, comme elle parlait avec une grande chaleur, il était visible qu'elle se querellait et que les gens les remarquaient. Elles marchèrent tant qu'elles arrivèrent presque aux lieux sauvages qui sont sur le côté sud du parc. Mais la fille, voyant qu'Amy faisait mine de s'engager parmi les taillis et les arbres, s'arrêta court et ne voulut pas aller plus loin. Elle déclara qu'elle n'entrerait pas là-dedans. Amy sourit et lui demanda ce qu'il y avait. Elle répliqua d'un ton bref qu'elle ne savait pas où elle était, ni où Amy se proposait de la mener et qu'elle n'irait pas plus loin. Et sans plus de cérémonie, la voilà qui tourne sur les talons et s'éloigne. Amy avouait qu'elle fut surprise. Elle revint également et l'appela. La fille s'arrêta et Amy, la rejoignant, lui demanda ce qu'elle pensait. La fille répliqua hardiment qu'elle ne savait pas si elle ne pourrait pas l'assassiner. Bref, elle ne voulait pas se risquer avec elle et elle n'irait jamais plus seule en sa compagnie. C'était fort outrageant. Pourtant, Amy garda son calme, en faisant un grand effort et prit patience, sachant que cela pouvait avoir des conséquences graves. Elle se moqua de sa sotte méfiance, lui disant qu'elle n'avait pas besoin d'être inquiète à propos d'elle, qu'elle ne lui ferait pas de mal, et qu'elle lui aurait fait du bien si elle avait voulu la laisser faire. Mais puisqu'elle était d'humeur si récalcitrante, elle ne se dérangerait plus, et elle ne se trouverait plus jamais en sa compagnie. Ni elle, ni son frère, ni sa sœur n'entendraient plus jamais parler d'elle, ni ne la verraient plus. Et ainsi, elle aurait la satisfaction de causer la ruine de son frère et de sa sœur en même temps que la sienne propre. La fille sembla un peu attendrie à cette idée et dit que pour elle, elle avait connu la plus noire adversité et qu'elle saurait chercher fortune. Mais il était dur que son frère et sa sœur dussent souffrir à cause d'elle, et elle ajouta à ce propos certaines choses assez bonnes et tendres. Mais Amy lui déclara que c'était à elle de prendre cela en considération. Elle allait lui montrer que tout était entre ses mains. Elle leur avait fait du bien à tous, mais après avoir été traitée ainsi, elle ne ferait plus rien pour aucun d'eux. Et elle n'avait pas besoin d'avoir peur de revenir en sa compagnie, car elle ne lui en donnerait plus jamais l'occasion. Ce dernier point, soit dit en passant, était également faux de la part de la fille, car elle s'aventura encore dans la compagnie d'Amy, après cela, une fois de trop, comme je le raconterai à part. Elles se calmèrent cependant un peu après, et Amy la mena dans une maison à Greenwich où elle était connue. Là, elle saisit une occasion de laisser la fille seule dans une chambre un instant et de parler aux gens de la maison de manière à les préparer à la traiter comme si elle y demeurait. Puis elle revint vers la fille et lui dit que c'était là qu'elle logeait, si elle avait envie de la trouver, ou si quelque autre avait quoi que ce fût à lui dire. C'est ainsi qu'Amy la congédia et s'en débarrassa encore une fois. Ayant trouvé dans la ville une voiture de place vide, elle revint à Londres par terre, et la fille, descendant jusqu'à la rivière, revint par eau. Cette entrevue ne répondait pas du tout au but d'Amy, parce qu'elle n'empêchait pas la fille d'exécuter son dessein de me pourchasser. Mon infatigable amie la quakeresse l'amusa bien encore 3 ou 4 jours, mais à la fin, j'eus de tels renseignements que je crus bon de m'en aller aussitôt de Tunbridge. Où aller, je ne le savais. Bref, j'allai à un petit village sur le territoire de la forêt d'Epping, appelé Woodford, et je pris un appartement dans une maison particulière où je vécus retiré pendant environ 6 semaines. Jusqu'à ce que je crusse qu'elle devait être fatiguée de ses recherches et qu'elle m'avait abandonnée. Là, je reçus de ma fidèle quakeresse la nouvelle que la jeune fille était réellement allée à Tunbridge, qu'elle y avait découvert la maison où j'avais demeuré et y avait raconté son histoire sur le ton le plus désolé. Elle était revenue derrière nous, pensait-elle, jusqu'à Londres. Mais la quakeresse avait répondu à ses questions qu'elle ne savait rien, ce qui était d'ailleurs la vérité. Elle l'avait engagée à se tenir tranquille et à ne pas pourchasser des gens de notre sorte comme si nous étions des voleurs, ajoutant qu'elle pouvait être assurée que, puisque je n'étais pas disposée à la voir, on ne m'y forcerait pas et que ce serait me désobliger réellement que d'en agir ainsi avec moi. Elle l'apaisa par des discours de ce genre et la quakeresse finissait en espérant que je ne serais plus beaucoup dérangée désormais par elle. C'est vers ce temps qu'Amy me fit l'histoire de son voyage de Greenwich et me parla de noyer et de tuer la fille d'une façon si sérieuse et avec l'air d'être si bien résolue à le faire que, comme je l'ai dit, je me mis en colère contre elle au point de la renvoyer réellement d'avec moi, ainsi qu'il a été relaté plus haut, et qu'elle partit. Elle ne me dit même pas où ni dans quelle direction elle s'en allait. D'un autre côté, quand j'en vins à réfléchir que maintenant je n'avais ni aide, ni confident à qui parler, ni de qui recevoir le moindre renseignement, mon amie la quakeresse exceptée, je me sentis très inquiète. J'attendais, j'espérais, je m'étonnais, de jour en jour, pensant toujours qu'Amy, à un moment ou à l'autre, réfléchirait un peu, reviendrait, ou du moins me donnerait de ses nouvelles. Mais pendant 10 jours je n'entendis point parler d'elle. J'étais dans une telle impatience que je n'avais ni repos le jour, ni sommeil la nuit, et je ne savais ce que j'avais à faire. Je n'osais pas aller en ville chez la quakeresse, de crainte de rencontrer ce tourment de ma vie, ma fille, et je ne pouvais avoir de renseignements là où j'étais. Enfin, je fis prendre le carrosse un jour à mon époux pour aller me chercher ma bonne quakeresse sous le prétexte que j'avais besoin de sa compagnie. Quand je l'eus près de moi, je n'osais lui faire des questions, et je savais à peine par quel bout prendre l'affaire pour commencer à lui en parler. Mais de son propre mouvement, elle me dit que la fille était venue l'importuner 2 ou 3 fois pour avoir de mes nouvelles et qu'elle avait été si fâcheuse qu'elle, la quakeresse, avait été obligée de se montrer un peu irritée. À la fin, elle lui avait dit nettement qu'elle n'avait pas besoin de prendre la peine de chercher après moi par son moyen, car si elle savait quelque chose, elle ne le lui dirait pas. Cela l'avait arrêtée un peu, mais d'un autre côté, elle me dit qu'il n'était pas sûr pour moi d'envoyer mon propre carrosse la chercher, parce qu'elle avait lieu de croire qu'elle, ma fille, épiait sa porte jour et nuit, et même la guettait elle aussi chaque fois qu'elle rentrait ou sortait. Car elle était si acharnée à me découvrir qu'elle n'y épargnait aucune peine, et elle croyait qu'elle avait loué un appartement très près de sa maison dans ce but. C'est à peine si je pus écouter tout ceci, tant j'étais désireuse d'arriver à Amy. Mais je fus confondue lorsqu'elle me dit qu'elle n'en avait pas entendu parler. Il est impossible d'exprimer les pensées anxieuses qui me roulaient dans l'esprit et me tourmentaient perpétuellement à propos d'elle. Je me reprochais surtout mon imprudence de renvoyer une créature si fidèle, qui pendant tant d'années avait été non pas seulement une servante, mais un agent, et non pas seulement un agent, mais une amie, et même une amie fidèle. Puis je considérais qu'Amy connaissait toute l'histoire secrète de ma vie, avait été mêlée à toutes mes intrigues, avait pris part au mal comme au bien. À tout le moins, mon action n'était pas politique. Il était très peu généreux et très cruel d'avoir poussé les choses à une telle extrémité avec elle, surtout dans une occasion où toute la faute dont elle était coupable était due à un soin excessif de ma sûreté. Aussi ne pouvait ce être que sa constante bonté à mon égard et un excès d'amitié pour moi qui la retenait de me nuire en retour, car il ne lui était que trop facile de le faire, et ce pouvait être ma perte absolue. Ces pensées me tourmentaient extrêmement, et quelle conduite prendre, je ne le savais réellement pas. Je finis par considérer Amy comme tout à fait perdue, car il y avait maintenant plus de 15 jours qu'elle était partie. Et comme elle avait emporté tous ses effets et aussi tout son argent, qui ne faisait pas une petite somme, elle n'avait aucun prétexte de cette nature pour revenir, et elle n'avait laissé aucune indication de l'endroit où elle était allée, ni de la partie du monde où je pouvais envoyer pour avoir de ses nouvelles. J'étais ennuyée à un autre point de vue encore. Mon époux et moi, nous avions résolu d'en agir très généreusement avec Amy, sans considérer aucunement ce qu'elle pouvait avoir acquis d'autre part. Mais nous ne lui en avions rien dit, et je pensais que, ne sachant pas ce qui devait lui échoir, elle n'avait pas l'influence de cet espoir pour la faire revenir. En somme, l'inquiétude de cette fille qui me chassait comme un limier qui tient une piste, mais qui se trouvait maintenant en défaut, cette inquiétude, dis-je, et cette autre considération du départ d'Amy, aboutirent à la résolution de partir et de passer en Hollande. Là, croyais-je, je serais en repos. Je saisis donc l'occasion de dire un jour à mon époux que je craignais qu'il ne prît en mauvaise part que je l'eusse amusé si longtemps, mais qu'après tout, je doutais que je fusse enceinte, et que, puisqu'il en était ainsi, nos affaires étant emballées et tout étant en ordre pour aller en Hollande, je partirais maintenant quand il lui plairait. Mon époux, qui était parfaitement satisfait soit d'aller soit de rester, laissa la chose à mon entière discrétion. J'y réfléchis donc, et je recommençai à me préparer au voyage. Mais hélas, j'étais indécise au dernier point. Amy me manquant, je me trouvais dépourvue de tout. J'avais perdu mon bras droit. Elle était mon intendant, recevait mes rentes, je veux dire l'intérêt de mon argent, tenait mes comptes, en un mot, faisait toutes mes affaires. Et sans elle, en vérité, je ne savais ni comment partir, ni comment rester. Mais un accident survint ici, justement par le fait d'Amy, qui me fit prendre la fuite d'effroi, sans elle d'ailleurs, dans l'horreur et le désordre les plus extrêmes. J'ai raconté comment ma fidèle amie la quakeresse était venue me trouver, et le récit qu'elle m'avait fait des importunités continuelles de ma fille auprès d'elle, et du guet qu'elle faisait à sa porte nuit et jour. La vérité était qu'elle avait mis un espion qui veillait si diligemment que jamais la quakeresse ne rentrait ni ne sortait sans qu'elle en fût informée. Ceci ne fut que trop évident lorsque le lendemain matin de son arrivée, car je l'avais gardée toute la nuit, à mon indicible surprise, je vis une voiture de place s'arrêter à la porte de la maison où je demeurais, et elle, ma fille, dans la voiture, toute seule. Ce fut une très bonne chance, au milieu d'une mauvaise, que mon mari eût pris le carrosse ce matin même et fût allé à Londres. J'étais si consternée que je ne savais ce que faire ni ce que dire. Heureusement, mon hôte eut plus de présence d'esprit que moi et me demanda si je n'avais pas fait quelque connaissance parmi les voisins. Je lui dis que oui, qu'il y avait une dame à 2 portes plus loin avec qui j'étais très intime. « Mais n'as-tu aucune sortie par derrière pour y aller ? » demanda-t-elle. Or, il se trouvait qu'il y avait dans le jardin une porte de derrière par laquelle nous avions l'habitude d'entrer dans la maison et d'en sortir. Je le lui dis. « C'est bon, dit-elle, va faire une visite alors et laisse-moi le reste. » Je cours et vais raconter à la dame, car c'était une maison où j'étais très libre, que je suis veuve pour la journée, mon époux étant allé à Londres, et que, par conséquent, je ne viens pas pour lui faire une visite, mais pour passer la journée avec elle, d'autant plus que notre propriétaire a reçu des étrangers de Londres. Ainsi, ayant bien arrangé ce petit mensonge, je tirai quelque ouvrage de ma poche, en ajoutant que je ne venais pas pour ne rien faire. Comme je sortais par un chemin, mon amie la quakeresse allait recevoir par l'autre cette visite malencontreuse. La fille ne fit pas grande cérémonie. Elle ordonna au cocher de sonner à la grille, sortit de la voiture et vint à la porte d'entrée. Une fille de la campagne appartenant à la maison, car la quakeresse défendit qu'aucune de mes servantes bougeât, alla lui ouvrir. Madame demanda ma quakeresse par son nom, et la fille la pria d'entrer. Alors ma quakeresse, voyant qu'il n'y avait pas à reculer, alla au-devant d'elle immédiatement, mais en prenant l'air le plus grave qu'elle eût à sa disposition, ce qui, vraiment, n'est pas peu dire. Lorsqu'elle, la quakeresse, entra dans la pièce, on avait introduit ma fille dans un petit salon. Elle maintint la gravité de sa physionomie et ne dit pas un mot. Ma fille ne parla pas non plus pendant un bon moment, mais au bout de quelque temps, elle prit la parole et dit « Je suppose que vous me connaissez, madame. »« Oui, dit la quakeresse, je te connais. » Et le dialogue continua. La fille « Alors, vous connaissez aussi l'affaire qui m'amène. » La quakeresse « Non, véritablement, je ne connais aucune affaire que tu puisses avoir ici avec moi. » La fille « À la vérité, ce n'est pas surtout avec vous que j'ai affaire. » La quakeresse « Pourquoi alors viens-tu après moi, si loin ?» La fille « Vous savez qui je cherche. » Et là-dessus, elle se mit à pleurer. La quakeresse « Mais pourquoi me suis-tu pour cela, puisque je t'ai affirmé plus d'une fois que je ne savais pas où elle était ?» La fille « Mais j'espérais que vous pourriez le savoir. » La quakeresse « Il faut alors que tu espères que je n'ai pas dit la vérité, ce qui serait très mal. » La fille « Je ne doute pas qu'elle ne soit dans cette maison. » La quakeresse « Si ce sont là tes pensées, tu peux t'informer dans la maison. Ainsi, tu n'as plus d'affaire avec moi. Adieu. » Elle fit mine de se retirer. La fille « Je ne voudrais pas être impolie. Je vous prie de me la laisser voir. » La quakeresse « Je suis ici en visite chez des amis à moi, et je pense que tu n'es pas très polie en me suivant jusqu'ici. » La fille « Je suis venue dans l'espoir de découvrir ce que je cherche pour ma grande affaire, que vous savez. » La quakeresse « Tu es venue étourdiment, en vérité. Je te conseille de t'en retourner et de rester tranquille. Je tiendrai ma parole vis-à-vis de toi, que je ne me mêlerai de rien, ni ne te donnerai aucun renseignement si j'en avais, à moins d'avoir ses ordres. » La fille « Si vous connaissiez mon malheur, vous ne sauriez être si cruelle. » La quakeresse « Tu m'as dit toute ton histoire, et je pense qu'il y aurait plus de cruauté à te dire qu'à ne pas te dire. Car, d'après ce que je comprends, elle est décidée à ne pas te voir, et elle déclare qu'elle n'est pas ta mère. Veux-tu qu'on te reconnaisse là où tu n'as pas de lien ?» La fille « Ah, si je pouvais seulement lui parler, je prouverais si bien le lien qui m'attache à elle qu'elle ne pourrait le nier plus longtemps. » La quakeresse « Bon, mais tu ne peux pas lui parler, à ce qu'il semble. » La fille « J'espère que vous me direz si elle est ici. Je tiens de bonnes sources que vous êtes venu la voir et qu'elle vous a envoyé chercher. » La quakeresse « Je m'étonne beaucoup que tu puisses avoir un tel renseignement. Si je suis venu pour la voir, tu t'es apparemment trompé de maison, car je t'assure qu'on ne saurait la trouver dans cette maison-ci. » Alors la fille la pressa des plus ardentes instances et pleura amèrement, au point que ma pauvre quakeresse en fut attendrie et voulut ensuite me persuader d'y réfléchir et, si cela pouvait s'accorder avec mes intérêts, de la voir et d'écouter ce qu'elle avait à dire. Mais ceci viendra plus tard. Je reprends mon sujet. La quakeresse fut longtemps embarrassée d'elle. Elle parlait de renvoyer la voiture et de passer la nuit dans la ville. Mon amie savait que ce serait très gênant pour moi, mais elle n'osa pas s'y opposer d'un seul mot. Au contraire, cédant à une pensée soudaine, elle frappa d'un coup hardi qui, tout dangereux qu'il était, s'il avait porté à faux, eut l'effet désiré. Elle lui dit que, pour ce qui était de renvoyer la voiture, ce serait comme il lui plairait. Elle croyait qu'elle ne trouverait pas facilement un logement dans la ville. Mais, comme elle était en un lieu étranger, elle serait assez son amie pour parler aux gens de la maison afin que, s'ils avaient de la place, elle pût y loger une nuit, plutôt que d'être forcée à retourner à Londres lorsque quelque chose la retenait encore ici. C'était une démarche à la fois habile et dangereuse, mais elle réussit car elle abusa entièrement la fille, qui en conclut immédiatement que je ne pouvais réellement pas être là pour le moment. Autrement, on ne l'aurait jamais invitée à coucher dans la maison. Ainsi se refroidit-elle tout de suite sur l'idée de loger là. Elle dit que non, puisqu'il en était ainsi, elle s'en retournerait cette même après-midi. Mais elle reviendrait dans 2 ou 3 jours pour fouiller l'endroit et toutes les localités avoisinantes d'une manière efficace, quand même elle resterait une ou deux semaines à le faire. Car, en deux mots, que je fusse en Angleterre ou en Hollande, elle me trouverait. « En vérité, dit alors la quakeresse, tu vas me rendre très nuisible pour toi alors. »« Pourquoi cela ? Demanda-t-elle. « Parce que, partout où j'irai, tu te mettras en grand frais, et tu troubleras tout le pays d'une façon fort inutile. »« Non, pas inutile, dit-elle. « Si, vraiment, reprit la quakeresse, il faut que ce soit inutile, puisque cela ne servira de rien. Je crois qu'il vaudra mieux que je reste chez moi pour t'épargner cette dépense et cet ennui. » Elle ne répondit pas grand-chose à cela, si ce n'est qu'elle lui donnerait aussi peu d'ennui que possible, qu'elle craignait parfois de la gêner, mais qu'elle espérait qu'elle voudrait bien l'excuser. Ma quakeresse lui déclara qu'elle l'excuserait bien plus volontiers si elle voulait s'abstenir. Car si elle voulait la croire, elle l'assurait qu'elle n'obtiendrait jamais d'elle aucun renseignement sur moi. Cela la jeta de nouveau dans les larmes. Mais au bout d'un moment, redevenue maîtresse d'elle-même, elle dit à la quakeresse qu'elle pouvait se tromper, qu'elle ferait bien de veiller de près sur elle-même, ou qu'elle pourrait, à un moment ou à l'autre, lui donner quelques renseignements sur mon compte, qu'elle le voulût ou non. Elle était convaincue qu'elle en avait obtenu déjà d'elle sur ce voyage, car si je n'étais pas dans la maison, je n'étais pas loin, et si je ne déménageais pas au plus vite, elle me trouverait. « Très bien, dit ma quakeresse, alors, si la dame n'est pas disposée à te voir, tu me donnes avis de lui dire qu'elle fera bien de se retirer du chemin. » Elle fut prise d'un accès de rage à ces mots et déclara à mon amie que, si elle faisait cela, une malédiction s'attacherait à elle et à ses enfants auprès d'elle. Et elle lui annonça des choses si horribles que la pauvre tendre quakeresse en fut effrayée étrangement et qu'elle perdit son calme plus que je ne l'avais jamais vu le faire auparavant. De sorte qu'elle voulut s'en aller chez elle le lendemain matin, et moi, qui étais 10 fois plus mal à l'aise qu'elle, je résolus de la suivre et d'aller à Londres également. Cependant, à la réflexion, je n'en fis rien, mais je pris des mesures efficaces pour n'être ni vue ni trahie si elle revenait. Je n'en entendis du reste plus parler de quelque temps. Je restai là une quinzaine environ, et pendant tout ce temps je n'entendis plus parler d'elle, ni de ma quakeresse à propos d'elle. Mais au bout de 2 autres jours, je reçus de ma quakeresse une lettre m'informant qu'elle avait quelque chose d'important à me dire, qu'elle ne pouvait communiquer par écrit. Elle désirait que je prisse la peine de venir, me conseillant de venir avec le carrosse dans Goodman's Fields et d'aller à pied ensuite jusqu'à sa porte de derrière, qu'on laisserait ouverte exprès, de sorte que la vigilante personne, même si elle avait des espions, ne pourrait guère me voir. Mon esprit était depuis si longtemps tenu, pour ainsi dire, éveillé, que presque tout me donnait l'alarme. Ceci principalement m'alarma et je fus très inquiète. Mais je ne pus arranger les choses de manière à présenter à mon mari mon voyage à Londres aussi naturellement que je l'aurais voulu, car il aimait l'endroit où nous étions et avait envie, disait-il, d'y séjourner encore un peu, si cela n'allait pas contre mon inclination. J'écrivis donc à mon amie la quakeresse que je ne pouvais encore aller à la ville et qu'en outre, je ne pouvais supporter l'idée d'y être sous l'œil d'espion et n'osant jamais regarder dehors. Bref, je différais de partir pendant près d'une autre quinzaine. Au bout de ce temps, elle m'écrivit de nouveau. Elle me disait qu'elle n'avait pas vu de quelque temps l'impertinente visiteuse qui avait été si gênante, mais qu'elle avait vu mon fidèle agent, Amy, laquelle lui avait dit qu'elle avait passé 6 semaines à pleurer sans interruption. Amy lui avait raconté combien la fille avait été fâcheuse pour moi et dans quelles difficultés et quelles extrémités j'avais été poussée par son obstination à me pourchasser et à me suivre de lieu en lieu. Ensuite, Amy lui avait dit que, bien que je fusse en colère contre elle et que je l'eusse traitée si durement pour m'avoir dit à propos de cette fille quelque chose du même genre que ce qu'elle disait maintenant à la quakeresse, il y avait absolue nécessité de s'assurer d'elle et de l'écarter de mon chemin. Bref, sans demander ma permission, ni la permission de personne, elle, Amy, prendrait soin qu'elle n'ennuyât plus sa maîtresse, c'est-à-dire moi, davantage. Elle ajoutait qu'après cette conversation d'Amy, elle n'avait en effet plus entendu parler de la fille, de sorte qu'elle supposait qu'Amy s'était arrangée de manière à mettre fin à tout. L'innocente et bien intentionnée créature, ma quakeresse, qui était toute tendresse et toute bonté, surtout à mon égard, n'avait rien vu dans tout cela. Elle pensait qu'Amy avait trouvé quelque moyen de lui persuader d'être tranquille et calme, et de renoncer à me harceler et à me suivre, et elle s'en réjouissait pour l'amour de moi. Comme elle ne songeait jamais au mal, elle ne soupçonnait le mal chez personne, et elle était extrêmement aise d'avoir de si bonnes nouvelles à m'écrire. Mais mes pensées, à moi, prirent une autre direction. Je fus frappé comme d'une rafale venue d'en haut à la lecture de cette lettre. Je me mis à trembler de la tête aux pieds et à courir égaré à travers la chambre comme une folle furieuse. Je n'avais personne à qui dire un mot, auprès de qui donner issue à ma passion. Je ne prononçai pas une parole pendant longtemps, jusqu'à ce que la douleur m'eût presque brisée. Alors je me jetai sur mon lit et je criai : « Seigneur, ayez pitié de moi ! Elle a assassiné mon enfant !» Et un flot de larmes éclata, et je pleurai violemment pendant plus d'une heure. Mon mari était heureusement dehors, à la chasse, de sorte que je pus être seule et donner quelque soulagement à mon émotion, ce qui me fit revenir un peu à moi. Mais lorsque mes pleurs eurent cessé, je tombai dans un nouvel accès de rage contre Amy. Je l'appelai mille fois démon, monstre, tigre au cœur dur. Je lui reprochai d'autant plus qu'elle savait que j'en abhorrais l'idée, que je le lui avais montré suffisamment en la jetant dehors, pour ainsi dire, après tant d'années d'amitié et de service, rien que pour en avoir parlé devant moi.